même chez nous, comme on dit. Ouais, c'est nous qu'on fait ça. Et peut-être que c'est mal fait, ouais. Peut-être que c'est mal fait, peut-être. Ouais, mais c'est nous, quoi. Et peut-être qu'on n'a pas d'argent. Peut-être qu'on fait pas ça dans des studios, ouais. Peut-être qu'on fait ça dans des petits appartements de merde, sales, en bordel. Peut-être que je bafouille sur ce son, ouais. Peut-être que vous m'écoutez pas, mais je m'en fous. Peut-être qu'on n'est pas assez des célébrités. Peut-être qu'on n'a pas assez d'argent, non. Peut-être qu'on a une famille de merde, on a une vie de merde. Et peut-être qu'il se passe rien chez nous. Peut-être qu'on a l'air con quand on est devant des enceintes et qu'on bouge comme ça. Peut-être qu'on est que des jeunes, ouais. Que des jeunes qui font les cons, que des sales drogués. Peut-être qu'on n'a pas d'argent pour faire des belles expositions, pour faire des belles expositions à Paris, ouais. Peut-être qu'on fait pas de l'art. Peut-être que ce qu'on fait c'est de la merde, mais on s'en fout, ouais. Et peut-être qu'on baisse pas autant que vous. Peut-être qu'on a des sales gueules aussi, ouais. Peut-être qu'on n'a pas assez d'argent. Peut-être qu'on a des familles de merde, des filles de merde, ouais. Mais on est tous ensemble, tous unis dans notre petite bled. Dans notre petite bled où il se passe rien, tu vois, c'est pas Paname, il se passe rien ici. On s'en fout, on est tous unis, tous les mêmes. Non, peut-être, y a pas de gothique, pas de rappeur, pas de skater, pas de baba cool, on s'en fout, on est tous les mêmes. Tous des hippies, tous des punks, on est tous pareils. Parce que on est tous dans la même merde, on a tous les parents qui se séparent, on a tous des problèmes d'argent, on prend tous de la drogue, on a tous des potes qui crèvent. Ouais, on est tous dans la même merde ici. Et ce qu'on fait là, écoutez la façon dont bat notre cœur, ça c'est notre son, ouais. Et on n'hésite plus à parler de cette façon là. On fait pas du beau slam comme ce connard encore malade. Nous on fait de la poésie, peut-être qui sort du cœur, tu vois. Ça sort de là, c'est direct, c'est ce qu'on chie tous les jours ça. C'est ce qu'on fait chez nous en rentrant parce qu'on a trop mal à la tête. Parce qu'on a trop mal au cœur, on a trop mal au cœur à force d'être assis. Ça nous fait chier, il se passe rien alors on fait de la musique comme ça pour se calmer, pour se dire qu'on existe. Voilà la façon dont bat notre cœur, on est tous ensemble, ouais. Ouais, on n'hésite plus maintenant. Tous ensemble, c'est une montée, mec, c'est une montée. C'est une montée de drogue. Et quand ça va partir, c'est quand t'es complètement perché. Pour la chance ceux qui ne connaissent pas la voix. j'abandonne tout. Et de toute façon je suis fiché. Les hommes détraient selon ce qu'ils ont entendu. La réputation domine par rapport au fait. Respecte quelqu'un et tu leur as dans le cul. Qu'est-ce qu'on a attrapé la vache poil sans deck. Marco, le mouvement se scalpe et taille monte à la tête. Qu'est-ce qu'on met vers en stress là pour les clochards. Marco, met vers en stress là pour tous les anards. Qu'est-ce qu'on met vers en stress là pour les pétards. Marco, met vers en stress là pour tous les bâtards. Qu'est-ce qu'on a tous les remontés contre Panam. Marco pour tous les artistes du macadam. Qu'est-ce qu'on pour tous les drogués. Marco pour tous les enfermés. Qu'est-ce qu'on écoute ça c'est dans l'impro. Marco pour montrer que j'ai encore des mots. J'abandonne tout et de toute façon je suis fiché. Les hommes détraient selon ce qu'ils ont entendu. La réputation domine par rapport au fait. Respecte quelqu'un et tu leur as dans le cul. Qu'est-ce qu'on a attrapé la vache poil sans deck. Marco le mouvement social bétail monte à la tête. Qu'est-ce